dédicace. L'arrache du bitume, verse un peu de breuvage. Bâtard, tu sniffes dur, Doux du 27, Morsaï, truand de la galère. Farage, ALKPOTE, j'ai le regard perçant. J'écris des textes vexants, j'bois du whisky tous les jours comme un texan. J'me faufile sous les genoux comme un serpent. J'profite, j'fourre des poufs tant que mon sexe bande. J'suis pas un exemple, nique le sergent. Fils retourne, je sous les jupons de ta mère grand. Demande à Morsaï et Doux du 27. Les connards et les lopes, ça bouffe du pain sec. On brûle la prod de Big M, petite merde, on nique sec le système. Vista qu'à faire le 17. Voilà, c'est la rage du bitume suceuse. Ma banlieue sud en décalage suceuse. Truante la galère, Morsaï s'arrête. Notre homme Doux, on passe les skins en trop. Nique sa mère les commissaires, on sent pas les couilles. Nous on fait du plus en trop gros. Fais tourner le pédo petit frère. C'est la rage du bitume, c'est la rage qu'on a. C'est la rage qu'on a l'attitude. Attitude hardcore, on fout le ska. Nique les porcs, nique toutes ces putes, c'est racaille. Gros c'est Morsaï, nique sa mère c'est la rage. Je m'en bats les gueuros, nique les camés. Nique ces pédés de facho. Nique les pointeurs, on sent pas les couilles. Nous on est toujours à l'heure. Rage du pour public, tu m'as laissé.